ça c'est lui, mais on parle, ouais. Par contre, ouais, bah, mon casque n'est pas bien réglé, comme d'habitude. Et qui dit casque mal réglé et émission qui commence n'importe comment, dit Radio Campus. Vous êtes bien à l'écoute du 106,6 jusqu'à 21h. C'est Pyongyang City Rockers avec les tout incluses. Ainsi que. Je suis en train de m'étouffer avec un curly. Et donc, c'est Célia. Il y a Ripoll aussi qui est derrière et qui fait un séjour incognito parmi nous, c'est ça? Voilà, il parle pas. Il y a Miso Stéphane. Il fait comme Manu, il ouais. surveille ce qu'on dit. Ouais, c'est le Manu de vacances. Et puis sinon, pour ce numéro 349 de Pyongyang City Rockers, on accueille quelqu'un, tiens, qui connaît la Corée. Totalement, oui. C'est Monsieur Octopoulpe. Eh ben, salut. JP, salut. Ouais, ça va? Bah écoute, ça va, ouais. Bon, on a commencé à parler, hein. on va pas se faire des mystères. Hein. On a déjà commencé à boire de la bière avant de commencer l'émission. Et puis, on va causer un petit peu des prestations que tu nous honores de faire, par exemple, dans la région. On t'a vu il y a pas longtemps à la Faune. La Faune, ouais, carrément. De Mouscroune. Et puis, voilà. Enfin, bref, on en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, on va commencer avec un groupe du coin, mais flamand, mais de Courtrai, mais qui sont bien. Mais c'est de Rod Stewart. Rod Stewart sur leur dernier album, dont il y aura la release partie en fin du mois d'août, je crois. Crate Records Courtrai, c'est Rod Stewart, donc avec Shitty City. Je sais pas de quoi il parle, mais à mon avis, pas de Courtrai. Shitty City, Rod Stewart. Déjà fini, dis donc, apparemment, tous les casques ne diffusent que sur une seule oreille, ce qui est vachement pratique quand même. Vous écoutez Radio Campus, hein? Non, Lucie, ici il y a les deux, mais sur les autres, la dernière fois, ouais, ça faisait déjà que d'une oreille. C'est trop rigolo. On est content, c'est Pyongyang City Rockers qui accueille JP Octopoulpe. On s'est déjà dit bonjour, on s'est déjà dit ouais. Tu vas bien, tu as bu un choco de bière. Ouais. Voilà. On t'a déjà vu, alors, si je fais le compte, au moins deux fois à la Brad Kev. Ouais, deux fois la Brad Kev. Et puis, j'avais fait le CCL aussi avant. Ah ouais? Ouais. Ah bah dis, je t'ai raté là. Ouais. Voilà, et puis là, récemment, à la Faune. Ouais, j'avais fait une autre fois la Faune, d'ailleurs, en 2019 aussi. J'en rate plein, c'est pas possible, quoi. Mais, alors, c'est Octopoulpe, c'est des trucs... Enfin, moi, je suis fan, hein, donc voilà. Pareil. Voilà, je suis fan, il est fan. C'est des trucs à pas rater parce que bah on en discute un petit peu avant de prendre l'antenne. C'est quand même des trucs qui sont pas communs. Ouais. T'es tout seul sur scène? Ouais, j'ai pas de potes. Non, c'est vrai, t'as pas d'amis? Non. À part j'ai tout essayé. La bière et ton chien, non? Oui, encore. T'as pas de chien? Non, j'ai pas de chien. Bon, on va rester sur la bière. Alors. Ça va, ouais, ça va. Mais quand même, tu fais du raffut comme sang. Et puis, surtout, le truc, c'est que t'as un setup assez spécial. Ouais. Pour le folklore, tu es affublé d'un masque de poulpe. Ouais. Tricoté? C'est pas tricoté, mais non, c'est fait à la main. Bon, ouais. Bon, d'accord. Voilà. Ouais. T'en as plusieurs, d'ailleurs? J'ai plusieurs couleurs, ouais. J'en ai perdu aussi. On est perdu sur la route, mais là je crois qu'il m'en reste 7. Je dois avoir 7 couleurs différentes. Tu les as ramenés ce soir pour qu'on fasse une photo avec tout le monde. J'en ai ramené que deux. Là, je suis en vacances. Je suis en vacances. Il y a pas de, faut pas le dire. Il y a pas d'instrument dans la voiture. Ouais, c'est bizarre. Et ouais, donc ouais, ce que tu fais sur scène, enfin, c'est quand même un bricolage musico-informatique. Avec de la projection aussi. Ouais. Mais tout ça est, en fait, tu déclenches tout en tapant sur ta batterie. Tout de la batterie, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, j'ai une batterie avec des triggers, donc des capteurs qui sont sur les deux tomes, la caisse claire et la grosse caisse. Ça envoie 4 signaux MIDI à mon ordinateur. Ouais. Je suis développeur. Du coup, j'ai un programme que j'ai conçu qui est relié à 3 amplis, 2 amplis guitare, 1 ampli basse, la sono. Et pareil, donc je contrôle aussi un vidéoprojecteur, voilà, qui balance des images. Et je contrôle aussi les lumières. Oui, c'est vrai. Ça, c'est mon truc du Covid. Ouais. Voilà et donc, le truc. Et donc, tout ça, ça nous donne un spectacle qui dure, je dirais, une grosse demi-heure. Ouais, maintenant, je suis à peu près à 40 minutes. Mais ouais, ça dépend, je peux m'adapter. En fait, tu racontes une histoire à chaque fois. Enfin, là, voilà, la dernière fois qu'on t'a vu à la faune, c'était une histoire. Ouais, ça, c'est un truc nouveau. Ça fait un an et demi que je fais ça. Et j'ai... Ouais, l'idée, un concert égale une histoire. J'ai 8 histoires différentes. Du coup, voilà, quand je suis en tournée, je peux changer chaque soir. Puis c'est pareil, je m'adapte aussi au public. Et c'est indépendant des chansons. Généralement, je joue entre 10 et 12 chansons. Donc ça, je peux changer aussi parce que j'en ai, pour la dernière tournée là que je viens de terminer, j'avais 35 chansons disponibles. Et du coup, toi, par exemple, si je joue que avec des groupes de grindcore, je vais faire des trucs les plus violents, quoi, pour D'accord. m'adapter un petit peu. Oui, parce qu'on n'a pas encore parlé du style que tu que tu balances. C'est toujours pas. Donc ça va de quoi à quoi? Non, c'est assez mathcore. J'aime bien les mathématiques, j'aime bien le mot corps, ça va bien ensemble. Mais ouais, j'ai des trucs un peu... En fait, j'ai pas mal de potes qui chantent sur les morceaux, voilà, que j'ai enregistrés aussi en vidéo, donc on voit leur gueule à l'écran. Et le fait d'avoir des voix complètement différentes, ça peut être voilà, des potes, 3 petites meufs japonaises, ça peut être un gros barbu avec une voix ultra grave. Enfin, du coup, ça me permet de faire des morceaux qui ont quand même des styles assez différents, même si je garde ce truc de j'aime bien les mathématiques. mais ouais, j'ai des morceaux qui sont vachement plus violents, d'autres qui sont un peu plus garage, des choses comme ça, ouais. Ah oui, plus garage. Okay. Ouais, un peu, ouais. Ouais, un peu garage. Voilà. Mais ça reste quand même assez rentre-dedans, quoi. Ça rentre dedans quand même, ouais, bien sûr. On pourrait écouter, en fait. Alors, la particularité ce soir, c'est que nous, par contre, on n'a même pas du tout préparé l'émission, et donc on a préparé des titres, mais sans noter de quoi il s'agit. Donc on va te les faire découvrir, et puis après, on en parlera. J'espère on les désannoncera, puis on en parlera. Ouais. Hein non, c'est ta musique, mais ils ont tous le même nom. Bah, ok. Pas le nom qui a écrit dans le fichier. Ouais, tu mets le meilleur. Hein. Allez, je vais mettre celui-là. We'll be right back. C'est déjà la fin, dis donc. Alors, c'était quoi ce titre-là? C'était Dear President. Ah ouais, et alors, ça cause à qui? Le président, c'est qui? En live, en fait, ouais, c'est un morceau très jeu vidéo. Donc, vraiment, il y a quatre niveaux même. Je me suis bien fait chier. Niveau vidéo, je me suis bien fait chier sur celui-là. Et pareil, en live, il y a pas mal d'aléatoires. Et donc, il y a trois présidents différents qui peuvent être sélectionnés en début de morceau. Et puis, il leur arrive des trucs à l'écran. Et donc, j'ai François Hollande, Sarkozy et Macron. Ouais, bon choix. Voilà, et puis, oui. Ouais. Et tu dis qu'ils peuvent être choisis en début de morceau. Comment ça se passe, le choix? C'est aléatoire. Mais tu vois une roue qui tourne et ouais. Ah mais oui, c'est vrai, je me souviens. Ouais. D'accord. Et donc tout ton set, il est fait comme ça, quoi. C'est des trucs. En fait, j'ai énormément d'aléatoires. T'as un morceau qui est musicalement préparé, mais par contre, ce qui accompagne en vidéo, ça peut être n'importe quoi. Enfin, ça peut être plusieurs trucs. Non, alors ça dépend. En gros, c'est c'est un peu différent. Un morceau, je le prévois pour un enregistrement album. Et je prévois aussi pour le live. Et des fois, c'est vraiment différent. Il y a pas mal d'aléatoires aussi dans la musique. Il y a des morceaux où je sais pas du tout ce que va être le prochain riff. Et l'aléatoire, il est pas si aléatoire que ça, ou alors c'est vraiment un truc Ouais, c'est aléatoire. Ouais. Ça me paraît bizarre, mais comment tu suis? Oh bah j'écoute. Non, c'est ça. J'ai un morceau, par exemple, j'ai trois chanteurs différents et je sais pas lequel va être choisi, quoi. Ouais, mais tu sais quand même les trois ce qu'ils font. Mais quoi. Voilà, ouais, oui, bon, oui. Bah, ils ont tous le même chant, enfin, ils ont la même mélodie. Ouais, mais ça va quand même, oui. Ok. Et les gens s'y retrouvent enfin... Non. Il n'y a que moi, hein, ça fait rire que moi. Hein, tout ça. Non, c'est pas vrai. Non, il y a des trucs super marrants, il y a quand même pas mal de références. Pas uniquement, moi, jeux vidéo, je suis nul, mais par contre, t'as des trucs un peu politiques ou quoi, ça va, j'ai suivi. Et puis des fois, ouais, voilà quoi. Enfin, t'as même des trucs où t'as pas besoin de référence pour rigoler. Pop culture, bien sûr. Ouais. Et c'est ça que tu as fait par exemple la faune la dernière fois. Là, c'était en fin juin, je crois. Un peu comme ça. C'était fin juin. C'était vraiment la dernière date de la tournée, vraiment. Ça y est, je voulais enchaîner sur quelque chose et je ne m'en souviens plus quoi. N'importe quoi. Tu fais aussi participer le public. Les gens qui viennent te voir. Ça peut arriver. Ça dépend de la chanson. J'ai des chansons qui sont vraiment plus interactives que d'autres. Ouais. Tu dis ça dépend de la chanson, mais tu sais quand même quelle chanson tu vas faire. Ouais, je prépare ma setlist. Avant de monter sur scène, tu sais ce que tu vas faire. Ouais, ouais, ouais. Fais-moi peur. Non, c'est ça. Non, je prévois ma setlist. Généralement, sur le groupe d'avant, en fait, je prépare ma setlist depuis mon téléphone. Ouais. Donc voilà, je mets un peu toutes les chansons qui correspondent à la soirée, peut-être un peu. Et puis voilà. Et puis après, en fait, j'ai mon écran près de moi, mon ordi près de moi. Ouais. Principalement juste pour voir quelle va être la prochaine chanson. C'est ça le truc, ouais. Putain. Ouais, non, mais quand même, tu dois dépenser beaucoup d'énergie sur un concert. Oui. Je veux dire, c'est pas relaxant comme on va dire, je sais pas, des trucs un peu jazz, tu vois, que t'entends dans les soirées mondaines. Ouais, je suis beaucoup moins mondain. C'est vrai. Quoique là, quand même, c'était mondain. Donc, t'as fait aussi monter des gens sur scène pour leur faire interpréter des trucs à la batterie. J'ai pas tout compris parce que moi, franchement, je comprends pas tout. Ouais. Enfin, je suis pas musicien, hein, mais il y en a qui se démerdent avec. Enfin, tu leur fais faire quoi exactement? En gros, ouais, la chanson en question, c'est une fatality de Mortal Kombat. Donc Mortal Kombat à la fin quand tu as tué ton adversaire, enfin tu peux l'achever avec une fatality. Et là c'est exactement pareil, t'as le choix, t'as trois fatalités que tu peux faire. Et au lieu que ce soit avec un joystick, une manette de console, c'est avec la batterie. Donc tu vas voir à l'écran, tu vas voir première fatalité, ça va être grosse caisse, caisse claire, tom alto, tom basse, blablabla. La deuxième ça va être ça, troisième ça va être ça. Du coup oui là c'est bien interactif et ça fonctionne pas si mal. Bien. C'est quand la prochaine fois que tu passes dans le coin? Dans le coin? Oh là, dans 2 ans, je pense. Oh putain. Ouais. Bon, faut réserver ses places. Faut quand même dire que tu tournes souvent. Ouais. Et tu tournes souvent à travers le monde aussi. Ouais, carrément. Bah, je suis basé au Mexique, déjà. C'est... Attends, on va en parler après. Oh là, on va passer de la musique. Attends, il est déjà 20h16. Oh merde. Tu rigoles. C'est pas pour vous couper, hein, mais on va quand même passer un peu de musique. Sinon, ouais, bien sûr. Compliqué. Encore un petit. Allez. Ah, bah oui. Un petit octopoulpe. Mais on sait pas ça. Lequel. On en parlera après, puis on parlera du Mexique. Très bien. Ouais. Déjà fini, dis donc, c'est court tes trucs. C'est assez court, oui. Ouais. Donc c'est pour faire, ça aussi qu'il y a une animation entre les morceaux. Les gens ils s'embêtent pas. Hein. Enfin, franchement, c'est une histoire à suivre de bout en bout. Et ouais. Comme c'est une histoire dont on est en partie le héros, bah, à chaque concert c'est différent. Ouais, et puis j'ai 8 histoires, c'est surtout ça le histoires. Truc. Ouais. Ouais. Donc on va te faire repasser une fois. Tu penses que par exemple faire ton concert ici dans le hall de Radio Campus, des fois il y a des concerts ici. Hein. Ah mais grave. Hein. Le prochain ça sera le 19 août d'ailleurs, on le dira après. Tu penses que ça serait possible de faire ça ici? Complètement. Ouais. Ah, mais là, je pense avoir joué dans n'importe quel type d'endroit. J'ai déjà joué dans une cuisine. Un truc tout petit, il y avait deux têtes qui dépassaient la porte. C'est la merde pour foutre l'écran, etc. Mais oui, ça peut... Il faut juste avoir un écran, quoi. Voilà. Bon, on va réserver, on va faire ça une belle fois, tu vas voir. Ah, et bien. Donc, si tu as joué déjà dans n'importe quel endroit, tu peux jouer vraiment n'importe où, donc à Radio Campus. Il n'y a exactement. Pas de problème. Très bien. Voilà. Vous écoutez Pyongyang City Rockers numéro 349 je crois, c'est ça. Ouais, putain, c'est vrai qu'il aime bien les chiffres, et c'est un machin ce mec. Hein. Je l'ai dit. Alors, t'es basé au Mexique, tu habites au Mexique. J'habite au Mexique, ouais, ça fait un peu moins de 5 ans, là maintenant. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Je profite. Non, je suis développeur web, et en fait j'ai vécu 8 ans en Corée avant ça. Mais tu faisais aussi du développement sud, web. Du sud, attention, du sud. Tu nous vois venir. Et carrément, ouais, j'étais aussi développeur. Ouais. Et sauf que la scène musicale coréenne, elle est. Bon, il y a des très bons groupes, mais il ne se passe pas grand-chose. Il y a très peu de groupes qui vont en tournée, mm-hmm. parce que c'est assez compliqué. Tu peux jouer déjà que les week-ends, c'est pas rentable pour un groupe d'aller en Corée. Mais pourtant, il y a le Japon à côté. Enfin, ouais, le à Japon, côté. Mais c'est complètement différent. Ouais. La scène japonaise est folle. Oui, bien sûr. Et là, tu as des groupes qui font des tournées. Bah, là, en ce moment, on a un copain, Yas, qui est parti là-bas. Ouais. Et tu connais peut-être Yas. Enfin, je sais pas. Mais bref, ils ont une tournée qui dure un mois, genre un truc comme ça, quoi. Ouais. Après, ils ont pas tant de dates que ça. Je pense qu'ils avaient calé quelques dates. Et après, c'est plus à l'impro aussi. Mais du coup, ouais, ça, c'est marrant qu'il n'y ait pas des gens qui pensent à passer de l'autre côté de la mer. Comme je dis, déjà, le fait que tu puisses. Jouer que les vendredis, samedi, des fois dimanche. Tu vois, ça rebute un peu toute la semaine. Ils sont comme ça. Ah ouais. Ouais, c'est assez étrange. Je m'explique pas vraiment pourquoi. Et pareil, au niveau du public, tu vois, à Séoul, il y a quand même 24 millions d'habitants. Mais c'est grand. Ouais, c'est assez grand, ouais. Ouais. Mais des gens qui potentiellement peuvent aller à un concert punk ou quoi, c'est. Sans déconner, il y a 100 personnes. C'est moins qu'à Lille, dis donc. Grave. Non, nous, il y a plus que 100 personnes quand même qui viennent voir des concerts. Ouais, je pense, ouais. Et c'est ça le truc, c'est voilà, quelques années c'était cool. Bon, après je connais absolument, hein, je connaissais en tout cas absolument tout le monde. Tu vois, tu vas faire un concert, bah tu tapes la bise à tout le public, quoi. Et ouais, au bout de 8 ans, c'est vrai que c'était ça, un peu, ça fait une proximité, quoi. Ouais, complètement, ouais. Mais voilà, j'avais envie. Et donc c'est là que tu as commencé Octopulp en Corée. J'ai commencé en Corée, ouais, en 2015. Il y a eu une influence coréenne sur, je sais pas, ton... Je sais pas vraiment, mais j'avais un groupe coréen déjà en place. Ouais. Et oh, je sais pas, c'est dur à dire, ça, une influence coréenne. Non, mais je sais pas, une influence du fait que t'habitais là. Bon, voilà, en fait, tu vois, les premières personnes, les premiers potes qui chantent, ouais, bien sûr, j'ai beaucoup de Coréens qui chantent sur mes morceaux, donc déjà ça, ouais. Et, mais ouais, du coup, en 2019, j'ai fait une grosse tournée en Europe. J'ai quitté la Corée, j'ai fait une grosse tournée en Europe et c'était une tournée de 4 mois. Et je me suis dit, ok, j'ai 4 mois pour décider de ma prochaine destination où je vais vivre. Et j'avais pensé à Kuala Lumpur en Malaisie. Ah, c'est l'avenir, hein, ces pays-là, c'est l'avenir. Alors là, moi je vous le dis. Hein. Je le dis à chaque fois qu'on en parle. Hein. Non, c'est chouette, ouais, ouais. Kuala Lumpur. J'avais pensé à Leipzig en Allemagne ou Mexico. Il paraît que Leipzig, c'est la capitale punk de l'Europe. Enfin, il ouais, paraît que ça l'est moins. Non, ça marche. Ça tourne bien quand même là-bas. Ouais, ouais. C'est chouette, ouais. Ouais, mais ouais, finalement, non, j'ai choisi le Mexique, ouais. Et non, je regrette pas, c'est cool. C'est cool à mort, ouais. Vas-y, pourquoi? Pourquoi le Mexique? Il y a quoi là-bas? Il y a qui? Il y a une très bonne scène musicale. Ambiance Ouais, non, c'est chouette. J'avais fait deux concerts à Mexicali, à Tijuana. Donc dans le nord du Mexique, il y a 10 ans, en 2014, avec mon groupe coréen, on avait fait une grosse tournée aux USA. Ouais. Et ouais, déjà là. Ah oui, c'est à la frontière, ça, ouais. Tijuana. On s'était pris une bonne tarte dans la gueule. Donc ouais, ça m'a fait cogiter un petit peu. Et puis je me suis dit, bon, bah je vais tenter. Si j'aime pas, je vais ailleurs. Et, ok. Ouais, non, j'ai aimé. Et tu, au fait, juste question boulot, développement web, tu bosses pour une boîte ou t'es en indépendant? Non, je suis en freelance. D'accord, ok. Ouais. Bien. On va causer après. et donc, ouais, Mexique, comment ça se passe, les concerts? Il y en a tout le temps. Toi, t'en fais beaucoup? C'est comme la France, on va dire. Je n'ai qu'un point de référence, c'est la France. Enfin, le nord de la France et la Belgique. Donc, vas-y. Qu'est-ce que je peux dire? Moi, j'habite à Mexico City, donc tu vois, c'est aussi une petite ville de 22 millions d'habitants. Seulement ? Ouais, ça a régressé par rapport à Séoul. Là. Tu me déçois, franchement. C'était trop, Séoul. C'était trop. Là, je me sens mieux. Ouais. Et non, ouais, il y a énormément de concerts, bien sûr. Il y a beaucoup de groupes de punk, de metal, t'as un peu tout. Tu peux avoir des concerts tous les jours, déjà, tu vois, la grosse différence avec la Corée. Et je sais pas comment comparer ça à la France, c'est assez dur. Mais ouais, non, je dirais que c'est un peu la même vibe, ouais. Ouais, quand même. Ouais, d'accord. C'est pas si différent que ça. Et ouais, j'ai beaucoup tourné au Mexique. J'ai un pote qui est un peu mon manager là-bas, qui m'organise un tas de trucs. Et c'est chouette. Ouais, je pense avoir joué dans peut-être 60, 70 villes au Mexique. Et alors, à chaque fois plein de monde. Non. Non. Donc c'est vraiment comme la France. Alors. C'est comme la France, ouais. Tu peux te prendre des bides. Ouais, non, ça peut être nul aussi. Mais ça peut être très bien aussi. Donc non, il n'y a pas de règles. D'accord, bah ouais, mais c'est comme ça que c'est mieux, hein, d'ailleurs. Bah ouais. Bon, on repasse encore, parce que là, il est 20h24, à l'antenne de Campus 106,6, c'est Pure Gangsta Rockers numéro 349. Nous sommes avec Mister JP Octopulp, qui va nous passer encore un titre qu'on pourra ensuite désannoncer. Et je sais lequel c'est. Out of my way. Bon, bah, Gaël et Val sont toujours pas arrivés. J'espère qu'ils n'ont pas été pris en otage par les footix du sport des JO, là. Parce que quand même, de quoi qu'on causait ? Eh ben, on causait avec Mister Octopulpe. C'était quoi le titre alors, là ? Dwayne, une chanson sur The Rock. Mm-hmm. Dwayne Johnson. Ah oui, d'accord. Putain, ouais. Mais toi, tu trembles vraiment dans la culture américaine. Ah ouais, ouais. T'es plus jeune que moi. Un peu. C'est pas compliqué, ils sont tous plus jeunes que moi. tes trucs là, tu les, enfin, c'est un boulot de fou pour. T'as plein de choses qui sont préenregistrées. Ouais, bien sûr, ouais, ouais. Quand tu fais tes concerts, vu que t'es tout seul et que t'es à la batterie, ouais. Et qu'en plus ta batterie c'est une espèce de pad, enfin, de touchpad géant. Mais il y a aussi de la gratte. Ouais. On me faisait signe derrière la vitre de demander si c'est toi qui enregistrais les parties de guitare. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, je suis guitariste à la base. Et du coup, ouais, pour un morceau, j'enregistre les guitares, les basses, des fois du synthé, des trucs comme ça, ouais. Ouais. Ouais. Combien de temps sur un morceau en général ? C'est dur à dire. C'est super dur à dire, ça dépend des morceaux. Par exemple, le morceau dont je parlais avant, le premier qui est passé, Dear President, juste sur l'édition de la vidéo, parce que voilà, là, je m'étais mis un challenge. J'ai passé 300 heures juste sur l'édition de la vidéo. Mais en plus de ça, bien sûr, il faut que j'enregistre les instruments. Et après, il y a tout le côté programmation qui prend énormément de temps aussi. Programmer l'audio, programmer la vidéo, programmer les lumières, ça prend aussi pas mal de temps, ça. Du coup, ouais, je sais pas, ce morceau-là, ça m'a peut-être 400 heures, un truc comme ça. Mais sinon, en général, j'estime plus à une centaine d'heures par morceau pour... Ouais. Est-ce que 100 heures par morceau, enfin, je sais pas, moi, je ça me semble énorme. Ouais, c'est pas mal, ouais. Après, quand tu vois tout le travail qu'il y a à faire, au final, 100 heures pour faire et les grattes, et la batterie, et la vidéo, et c'est sûr que pour un morceau, ça paraît beaucoup, mais, ben ouais. Mais quand tu vois tout ça, au final... Ouais. Mais t'es perfectionniste ou pas ? Alors, un peu, mais j'essaye de pas trop l'être, là-dedans. Ouais. Tu vois, surtout par rapport aux vidéos, en fait, j'ai fait des clips aussi, donc voilà, sur YouTube ou quoi. Si je fais un clip, ouais, je suis super perfectionniste, mais pour les vidéos qui sont projetées en live, je me dis, non, mais c'est mon public, c'est que des gars bourrés, s'il y a un truc de merde. Non, mais voilà, s'il y a des trucs qui sont pas parfaits, j'essaye de plus en plus à me dire, allez, c'est pas grave, on laisse le truc, je vais pas passer 10 heures de plus sur ce détail, ça sert à rien, quoi. D'accord, ok. Ah, parce que tu peux passer 10... Enfin, tu sais que tu peux passer 10 heures sur un détail. Ah ouais, ouais, ouais. Ah donc, ah, oula. Oula, oui. Ah non, faut que je me bon, force. Parce que, bon, par contre, quand on est, quand on est dans le public, ça, enfin, on a l'impression d'assister à un truc hyper précis, enfin... Ouais. Alors c'est peut-être un truc de un truc de novice et puis de quelqu'un qui est extérieur, mais n'empêche que voilà quoi, c'est si tu veux, on n'a pas affaire à un groupe de baloches qui ont répété deux fois quoi. Ouais, non, j'ai un peu préparé mes trucs, ouais. Je fais l'exact opposé quoi. C'est pas de l'impro, voilà. Ouais. OK, donc entre 100 et 300 heures par morceau. Et toi, tu as combien de morceaux à ta disposition ? Là, pour la dernière tournée, il y en avait 35, je crois, qui étaient prêts, que je pouvais jouer. Mais j'ai une quarantaine de morceaux maintenant, tout. Il y en a que j'ai un peu abandonné. Bon, bah on va faire le calcul. Hein ? Ah oui, ça fait beaucoup, c'est vrai. Ok, un jour, tu penses revenir habiter en France ou pas ? Pas vraiment, non. Non ? Pourquoi ? J'ai vécu 30 ans, je pense que c'est suffisant. Oh, les dernières élections, ça m'a pas fait rêver, je dois bien avouer. Non, et puis... Pourtant, on s'est battu. Hein. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais... Non, très bien. Là, pour l'instant, je suis vraiment content au Mexique. Ouais. Et ouais, tout se passe bien. Non, la France, ouais, non, pas plus. Ok. On a encore des morceaux à toi, là, qui vont c'est passer. C'est des morceaux qu'il a... C'est pas des Octopus, ouais. Mais c'est des morceaux qu'il a ramenés. Ouais. Qu'il écoute. Parce que quand même, on t'a demandé de ramener de la musique que t'apprécies. Ou peut-être que t'apprécies pas, j'en sais rien. Ah non, c'est que des trucs que je déteste. Ok, mais ça c'est mieux. Hein, parce qu'il y en a peu qui nous font ça. Il y en a qui le font des fois, mais pas beaucoup. Donc, j'aurais dû ramener du Michel Sardou, je suis con. On a échappé à ça. Ah ouais. C'est Pyongyang City Rockers, il est 20h et 32 minutes. Oh punaise, ça passe vite, extrêmement vite. Ah, donc et donc, à défaut de Sardou, Ouais. À mon grand dame, on va passer à autre chose, je sais pas, c'est comme tu veux. Mince, qu'est-ce que... On se souvient plus. Ou alors je passe un titre, je sais pas. Peut-être Hong Kong Blood Opera. Ah oui, je l'ai vu tout à l'heure, ça. Faut que je le trouve, mais ah, c'est bon. Ouais, alors... Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, c'est un groupe mexicain. C'est des très bons potes, et justement la chanson avec Scatman qu'on a entendu avant, c'est le chanteur de, enfin voilà, c'est le chanteur de Hong Kong Blood Opera qui est le chanteur principal de ma chanson Scatman. Voilà. D'accord. Oui. Très bon groupe. Et ben allez, c'est parti. Sur Campus, Pyongyang. Ce casque qui fonctionne pas, merde. C'est bizarre, hein. Mais c'est normal, vous êtes sur Radio Campus 106,6. Je sais pas combien de fois je le dis à chaque émission, mais là on est au-delà c'est des 4 fois obligatoires. Ah, ouais, c'est une obligation. Toutes les fois où on a oublié de le dire 4 fois. Ouais, on doit dire le nom de la radio et la fréquence. Et il faut dire aussi qu'on est sur le DAB+, canal 7C, et qu'en plus de ça, on est diffusé sur le web, sur le www.campuslille.com. Très bien. Voilà. Okay. Bravo. Ouais. Et donc on fait coucou à tous les gens qui nous écoutent. Et puis non, actuellement c'est JP Octopulpe qui nous a passé The Mexican Group of the Soirée. Hong Kong Blood Opera, ouais. Ouais. Des bons copains. Super groupe en live. D'accord. Groupe, ouais. Ils préparent une tournée en France ou pas? Pas du tout, je crois. Putain. Ouais. Et oui, ils en ont rien à foutre de l'Europe en fait. Je crois qu'ils ont jamais tourné là-bas, non. Là-bas. Là-bas. Oh merde. Ici. Ouais. C'est... Non, mais c'est bien. C'est bien aussi de faire d'un peu se décentrer comme ça, et puis de se dire que t'as des scènes à l'autre bout du monde. Mmh. Puis en fait, pour eux, l'Europe, bah, c'est comme nous. Enfin, moi, je suis un vieux. Hein, c'est comme quand on voyait, je sais pas, le Japon il y a 30 ans. Sûr. Allez, c'était compliqué, quoi. Enfin, on savait qu'il y a des groupes là-bas, mais pour aller y jouer, c'était compliqué déjà. Ouais, mais après. Alors, en ayant tourné pas mal, quand même, tourner en Europe, ça fait partie des meilleures tournées. Ouais. Ouais, on est bien quand même en Europe, on est bien reçu, c'est chouette. Tourner en Europe, c'est bien. Ah ouais. C'est dans quel pays qui reçoivent le mieux? Là, tout de suite, je fais des nationalismes. C'est dur. L'Allemagne, ils sont bons. C'est dur de jouer en Allemagne. Mais là-bas, c'est devenu une entité économique à part entière, quoi. Enfin, punk. Ils ont plein de dieux en Allemagne, toutes les maisons de Genève, les IEZ tout. C'est génial, en fait. Alors qu'ici, à part Maloca, Dijon. L'Allemagne, c'est un peu comme la Belgique, quoi, où t'as aussi plein de maisons de jeunes, d'orgas. En plus, la Belgique, c'est autre chose, c'est un petit pays, donc. C'est sûr. T'as vite fait le tour, mais alors, tu découvres toujours des nouveaux trucs. C'est bien. Ouais, ouais. Mais je trouve que la France, c'est pas si mal non plus. Ouais. Les lieux, c'est vrai que ça vaut pas l'Allemagne, mais non, c'est chouette quand même. D'accord. Ouais. Ok. Ouais. Donc tu reviens dans moins de 2 ans. À voir. Ouais. Ok. On va encore passer de la musique parce que là, on a beaucoup parlé là, depuis tout à l'heure. C'est vrai. T'as autre chose que du mat dans ton. Les copains de LR666, ça c'est pas mal. Vous connaissez pas le crabe? Ça vous dit rien? Non. Oh, c'est un copain. Là maintenant, il est plus vers Montaigu. Et donc, ça, c'est un duo. Oh, c'est vers Nantes, ça. Enfin, ouais. C'est dans la digue. Enfin, c'est en France, quoi. Enfin, c'est en France, ouais. C'est pas du mat. C'est pas du mat. Okay. LR666 sur Campus 106,6. LR666, dans les copains. Les copains. Voilà, ouais, tout simplement. Bon. Un peu de promo pour les copains, ça fait toujours du bien. On parlait de concerts. Ouais, t'as déjà fait beaucoup de concerts en Chine. Enfin, un certain nombre. En Asie, en général, ouais, vu que je vivais en Corée du Sud, clairement. Mais les distances, c'est énorme là-bas. Enfin, tu passes tout le temps en Chine, en avion. Non. Eh ben, je crois que toujours le train le plus rapide du monde est en Chine. Donc tu voyages en train. C'est même plus au Japon. Ouais, non, ils se sont fait battre par les Chinois apparemment. Ils sont forts, tu sais. J'ai un de mes meilleurs potes qui ça fait 18 ans qu'il habite en Chine. Mmh. Du coup, pareil, on avait un groupe ensemble. Du coup, on a pas mal. Ça s'appelait comment ? Digou. Ah. Digou. D-I-G-O-U. C'était une sorte de power violence, mais très théâtral aussi. Hein on porte des combinaisons, on est deux aliens. Et voilà, avec une histoire et des choses comme ça. C'était très drôle à faire. T'en as ramené des titres, ça ? Pas du tout, non. Bon, une autre fois, on va en passer, t'inquiète. Et donc, tu parlais de ton pote qui habite depuis 18 ans en Chine, et qu'est-ce qu'il faisait ? Parce que je sais plus si t'as fini ta phrase. Non, juste il habite là. C'est un Français qui vient plus des coins de Metz. Et du coup, ouais, j'ai eu l'occasion de tourner pas mal en Chine, avec lui, avec notre projet en commun et Octopulp. Et ça marche bien en Chine ? C'est pas si mal, c'est pas si mal. Parce que en fait, nous, enfin, si on s'en tient à ce qui nous est balancé dans la tronche par les gros médias en place, quasiment, enfin, c'est la dictature. Les gens, ils ont rien le droit de faire. C'est horrible. On va tous mourir. Sauf que c'est pas si simple. Non, je pense que plus ou moins, si je comprends bien, c'est le gouvernement un deal un peu avec les gens. Vous nous laissez faire et vous allez gagner en qualité de vie. Et a priori, ce que j'en entends, c'est bon, ouais, tu peux rien dire, tu peux rien faire, mais ça marche un peu. C'est pas si horrible que ça. Je pense que c'est, enfin, par rapport au retour de mon pote qui me dit que, enfin, c'est beaucoup plus compliqué, bien sûr, que de dire les méchants chinois avec leur dictature. Ouais. Parce que bon, l'Europe, hein, ouais, je veux dire. Quoi, c'est la démocratie. Oui, c'est la démocratie, c'est vrai. Non, mais c'est... Enfin, voilà. Non, c'est intéressant, la Chine. Mais je me rappelle, la première fois que j'ai tourné en Chine, c'était en 2016. On était quatre projets français. Enfin, français, si on considère Octopulp français. Mais, expat. Expat, ouais. Avec le crabe aussi, justement, dont je parlais avant. Et le truc, c'est... Non, il nous est arrivé de faire des grosses scènes. Tu fais une salle, par exemple, tu peux mettre 800 personnes, mais il y a 20 personnes qui viennent. Du coup, c'était un peu rude. Ouais, on s'est fait pas mal de dates comme ça parce qu'ils ont des énormes salles, mais ils n'arrivent pas à les remplir. En tout cas, pas avec notre style de musique, ça c'est clair. Ouais, en fait, c'est les salles qui ont été créées selon le plan quinquennal. On va faire une salle là, elle va faire 800 personnes. C'est ça, ouais. Et après, on remplira avec ce qu'on a. Mais après, quand c'est plus à Pékin, Shanghai, Wuhan, Guangzhou, non, t'as des salles plus petites et ça bouge bien. Il y a Ouais, puis il y a des punks là cette année particulièrement. T'as quand même une petite flopée de groupes chinois qui tournent ici dans les parages européens. Il y avait un groupe chinois de 4 meufs. On a joué au Demi Toys, un truc comme ça. On les a vus là. Elles sont passées. C'est mon pote, a priori, qui leur a filé le contact. Je crois que c'était ça. Parce qu'il m'en a parlé, on a joué dans le même festival à Madrid, mais pas le même jour. Enfin, bref. D'accord. Et bon, donc voilà, il y a quand même des... Il y a des groupes punk, il y a une scène punk avec des gens... Bon, déjà, ils sont hyper lookés, même c'est des trucs... Ouais, moi, j'avais rarement vu ça depuis la fin des années 80. Ah bon, on va dire. Et puis en plus, quand tu regardes un petit peu les thématiques des chansons, c'est pas l'amour et les petites fleurs, quoi. Enfin, je veux dire, je pense qu'ils y mettent des pincettes sur la critique du gouvernement. Tu dois mettre des pincettes, clairement. Mais par contre, il y a des trucs quand même, il y a des thèmes qui sont abordés qui sont pas des trucs de guimauve, quoi. Ouais. Donc, c'est bien d'avoir aussi ce genre de... Non, clairement. Non, ça bouge en Chine. Il y a du monde. Il y a du monde. Et à part ça, sinon, c'est quoi, pour toi, c'est quoi les pays d'avenir où il faut aller? D'avenir. Pas pour faire du tourisme, mais pour jouer. Là, on est en train de parler aussi aux gens de groupes lillois et alentours qui nous écoutent. Eh ben, écoutez, où vous irez en tournée bientôt? J'ai fait une tournée en Asie l'an dernier et la scène au Vietnam Ouais, le Vietnam, ouais, bien explosé. T'as vu, hein ? Non, non, il y a vraiment pas mal de nouveaux groupes qui arrivent. Il y a pas mal de monde au concert. Bon, après voilà, le Vietnam, c'est tu peux pas. C'est plus metal, non ? Metal punk. Punk aussi, ouais. Non, ça marche bien. Après, voilà, c'est le Vietnam. T'as pas 500 villes dans lesquelles tu peux jouer. Tu peux jouer à Hanoï, tu peux jouer à, bien sûr, Saigon. Ho Chi Minh Ville. Ouais, Ho Chi Minh. Bien vu. Et je sais plus, j'avais joué dans une autre ville l'an dernier. Je me rappelle plus du tout, un truc plus petit. Ouais. Mais non, c'est chouette. Ouais, Vietnam, je valide. La Thaïlande, c'est pas mal non plus. C'est un peu plus, ouais, il y a ça bouge depuis un peu plus longtemps là-bas. Ouais. Mais ouais, c'est marrant parce que ouais, moi ça c'est un de mes dadas, c'est tous les pays là du sud-est asiatique. Ouais. C'est moi je trouve que c'est là-bas qu'il se passe beaucoup de choses et qu'il y a plein de trucs qui émergent. Donc, ouais, carrément. Je suis content que tu en parles. Non, bah, non, le truc je peux dire, par contre, tourner en Asie économiquement c'est pas forcément si simple. Ouais. Tout ce qui est Asie du Sud-Est, il y a quand même pas énormément d'argent. Oh, parce que ouais, pareil, ouais. Si on parle d'Indonésie, en Indonésie, ça bouge à mort. Mais ouais, ils font des scènes de malades. Ouais, bien sûr. Mais pareil, pour te rembourser les billets d'avion, c'est quand même assez compliqué. Ouais. La Malaisie, c'est une bonne scène aussi, j'aime beaucoup. Donc là, quand c'est ça, c'est plus facile quand on est tout seul. C'est plus simple quand on est tout seul, mais même tout seul, je perds de l'argent, attention. Okay. Ouais, non, c'est... Faut... Enfin, moi, quand je vais en Asie, en général, j'y pense plus. Je prends des vacances ou je fais en plus des concerts. Donc, attends, tu nous dis que tu fais entre 100 et 400 heures de boulot par morceau. Ouais. Voilà, t'en as 40 environ. Ouais. Et qu'en plus de ça, t'arrives même pas à te rembourser quand tu fais une petite tournée. Voilà, c'est ça. À toi tout seul avec ta petite valise. Un truc dont on n'a pas parlé. T'as beaucoup de bagages ? Ça dépend. Alors ça dépend complètement. Si je tourne en Europe, par exemple, je ramène tout. Donc c'est une bagnole de log. Je prends pas la plus petite non plus, mais j'ai une batterie, j'ai deux amplis guitare, un ampli basse, j'ai des tonnes de câbles, j'ai des lumières. Je ramène mes lumières avec moi, mais bon, l'idée aussi, c'est quand je joue dans des plus grosses structures, je me connecte aux lumières de la salle et je peux tout contrôler. Mais voilà, dans des petits lieux, j'ai mes lumières, le vidéo proche, j'ai tout. En gros, tu me files une prise de courant et je peux jouer. D'accord. Mais donc CCL, ça marche quand même. Ça, oui, ça marche. Tu l'as déjà fait. Je l'ai fait. Expérience très intéressante. Ah ouais. Vas-y, dis-nous en plus. On va en parler après. Anecdote ? Non ? Non, mais c'était drôle parce que je pense pendant il y a peut-être 10% des gens qui ont remarqué qu'il y avait un écran. Et quand finalement on s'est rendu compte qu'il y avait un écran, ça a été une avalanche de... Comment on appelle ça, d'ombre chinoise. Oh putain. Ce qui était très, très compliqué pour moi. C'est comme ça qu'on l'aime, notre CCL. Exactement. Bon, vous écoutez Pyongyang City Rockers, il est 20h50. On est encore en 10 minutes en compagnie de JP Octopoulpe. Voilà. T'as encore ramené de la musique, donc on va la passer. Hein ouais. J'ai pas pensé à... Il y a Célia qui piaffe. Free Refills. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. C'est quoi ? C'est un groupe texan. Et ouais, j'ai découvert ça, je sais plus, sur Bandcamp, j'ai trouvé ça super. T'as vu qu'on peut pas s'empêcher de passer des Américains. Eh oui, et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que c'est les chefs du monde. C'est vrai. Au niveau musique, ils ont bien influencé quand même. Ouais, quand même. Allez, Free Refills. Free Refills. We'll be right back. J'ai pas été assez rapide. Hello, hello. Alors, JP Octopoulpe, tu n'écoutes que des trucs genre maths, là. Il y a quand même une parenté entre tout ce que tu nous passes depuis tout à l'heure. Ouais, il y a plein de trucs. Propres morceaux. Ouais, c'est des trucs que j'écoute. Après, j'écoute pas que ça, mais à passer ici, je pense. C'est ce que je disais, beaucoup moins d'intérêt. Tu disais quoi ? Beaucoup moins d'intérêt que à passer du Pantera, par exemple. Alors que j'ai grandi avec Pantera et c'est toujours un truc que j'aime, mais. Non, voilà. Et t'aimes bien Creedence ? Je ne connais pas ce groupe. Non, on en parlait dans la bagnole en vrai. Ouais. Mais donc, ouais, tu vois, il y a encore des trucs. Ouais, c'est le titre de Free Refills, c'était quoi ? Oh là là. C'est Voicemail. Voicemail. Voicemail. D'accord. Et ouais, il y a quand même. Tu écoutes quand même beaucoup des trucs qui ressemblent à la musique que tu fais. C'est bizarre. Non ? Attends, c'était quoi ? J'avais lu, il y a très longtemps, il y a plus de 25 ans, j'avais lu une interview de Manowar qui racontait qu'il n'écoutait que du Manowar. Et c'est quoi vos influences ? Manowar. Ok, vous écoutez quoi ? On n'écoute que du Manowar. C'était de la branlette en plus. Ouais, non, mais ouais. Je pense que c'était une blague. Non. Ouais, je suis influencé par ce que j'écoute, c'est sûr. Ouais, bien entendu. Ou alors tu écoutes les choses que tu estimes dignes de t'influencer ? Peut-être, je sais pas. Est-ce que c'est pas la même chose ? Je sais pas. Tu sais qu'il est 20h54, on va bientôt devoir vomir l'antenne. Ouais. Et puis après, ça sera JD. Après JP, ça sera JD avec Teeth Grinder. Je pense, c'est ça, hein ? Ouais, c'est marqué ? Je le vois dans pas. Dans le machin bleu. Bon. Ou pas. Non, enfin, on découvrira. Et puis, après, ça sera campus toute la nuit. Pour l'instant, ouais, t'as un mot de la fin, quelque chose que t'aurais voulu dire et puis qu'on n'a pas réussi à te faire cracher. Je suis pas sûr. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Je suis très content d'être là. Quelle est la bière que tu préfères ? Allez, vas-y. Ah, c'est dur, ça aussi. On parle de commercial ou on parle de. C'est comme tu veux, là. C'est comme tu le sens. Eh ben, écoute, je vais dire Philight. C'est une bière coréenne qui est un dollar moins cher que la bière la moins chère. Voilà. La Heineken. Non, c'est une connerie. J'ai le logo tatoué sur le corps. Ok, bah tu nous montreras. Sinon, il y a Jupiler aussi. Jupiler, elle fait le taf. Ouais, bon, carrément. Voilà. C'était. Quelle heure ouais, sinon, bah. Attends, moi j'ai encore une question. T'as encore une question ? Ouais, allez. Tu sais combien t'as fait de concerts en tout avec Octopus ? Alors, je pense être à 827, un truc comme ça. Ouais, j'ai passé les 800 du coup il y a pas longtemps. C'était où ? C'était à Zagreb, je crois. C'est bien Zagreb. Ah ouais, c'est cool, ouais. Ouais, carrément. Ouais. Aussi, c'est l'avenir aussi. Et ouais, je compte. Je suis un gros nerd, du coup, j'ai toujours compté tous les concerts que j'ai fait dans ma vie. Donc, avec tous mes groupes, je crois que je suis à 1500 à peu près. Ok. Oui, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est ce qu'on peut trouver sur ton site web. Ouais, il faut dire quand même que tu as un site web, octopoulpe.com. IamOctopoulpe.com. Ouais. C'est ça ? Ouais. Et puis donc, à part la musique, t'as quand même un truc très très spécial, moi que j'aime beaucoup parce que ça me fait rire, mais qui est peu rempli, c'est ton guide Michelin des chiottes. Ah, les toilettes, ouais, bien sûr, ouais. Oui, il est pas très rempli, c'est vrai. Donc partout où tu passes, tu mets un petit autocollant en mettant une notation sur 5. C'est pas partout, parce qu'il faut, déjà que j'ai envie de faire ce besoin. Ouais. Et oui, je note les toilettes. J'aime beaucoup faire ça en tournée, ouais. Et note sur 5. Après, il a évolué un petit peu le sticker. Il y en a un Chéri Paul, mais c'est pas. J'ai une nouvelle version avec les pour et les contre. Donc, c'est un peu plus détaillé. Il y a la date, etc. Et ouais, c'est. Okay. J'aime faire ça, ouais. Et donc, t'en as mis un là dans les chiottes de campus ou quoi, non ? Non, j'ai pas eu envie de faire ce besoin. Mais on a tout raté ce soir. Parce qu'attention, c'est authentique, je ne mens pas. Je ne mens pas. Ok. Donc, pour voir ça, c'est à yamoctopoulpe.com. Et puis aussi plein de trucs. Les vidéos. Ouais. J'ai quelques clips tout sympas. Tout connaître de toi. Ouais. Allez voir mes clips, j'ai passé du temps aussi. Ouais, et savoir le prochain coup que tu vas passer dans un rayon de 100 km autour de Lille. Je repars au Mexique à la fin du mois. J'ai encore 6 concerts, me semble-t-il. Mais pas trop dans les coins. Voilà. Et puis il est temps de rendre l'antenne avec le traditionnel reggae de fin qui normalement est tout en bas de la liste. Ouais. Je sais même plus qui c'est d'ailleurs. Il est pas tout en bas de la liste. C'est ça ? Ouais. OK. Et puis donc, attends, je vais pouvoir te dire qui c'est. Ah bah voilà, c'est Dennis Brown. Dennis Brown. Ouais. Et puis ouais, vas-y, envoie là. Ouais. Excellent. C'est Money in My Pocket, parce que c'est tout ça qu'on veut, hein, forcément. Bien sûr. Voilà. Merci JP. Merci à vous, c'était très sympa. D'avoir passé de la zik et puis d'avoir causé de ce que tu fais. J'ai passé un très bon moment. Le prochain coup que tu repasses dans le coin, tu repasserais ici, on essaiera de préparer un concert. Ça me bat très bien, carrément. Ouais. Il est 20h58 à l'antenne de campus, c'est Pyongyang City Rockers numéro 349 qui vit ses derniers instants. Adieu petit ange, parti trop tôt. Vous continuez d'écouter Radio Campus et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la 350e. T'as vu ? Ouais. Et surtout on n'oublie pas. Ah, et j'ai oublié de dire, le lundi 19, on fait un live ici, il y aura Matraque Attack et Chlore. Donc ça va être dantesque, je pense. Voilà, et sinon, n'oublie pas... La cave.